2 millions. 2 millions, c'est le nombre d'emplois directs ou indirects du secteur du tourisme en France. Alors nous, au Crédit Agricole, on se mobilise et on propose pour vous, professionnels du tourisme, le prêt garanti par l'État saison basé sur vos 3 meilleurs mois de 2019. Parce que notre rôle, c'est de vous aider à continuer votre activité. Crédit Agricole, agir chaque jour dans votre intérêt et celui de la société. Formidable. Conditions du prêt fixé par la réglementation en vigueur, sous réserve d'études et d'acceptation par votre caisse régionale prêteur. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Il y a 60 ans, une page tournait dans l'histoire de l'Afrique après la colonisation. C'était le temps des indépendances. Et bien aujourd'hui, le cours de l'histoire s'intéresse au moment précédant la colonisation, notamment cette année 1885, la conférence de Berlin, quand l'Europe se partage l'Afrique. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Le 21 février 1885, le lecteur curieux des affaires internationales se plonge dans les pages que le journal Le Figaro consacre aux informations étrangères. Il est question de la guerre de la Chine, une guerre entre la République française et la dynastie Qing, qui dure depuis 4 ans déjà. Le lecteur y apprend que la France n'a rien à redouter des Chinois. Et puis, autre nouvelle, il est question de la clôture de la conférence qui se tient à Berlin depuis plusieurs mois. Enfin, la conférence a terminé ses travaux, peut-il lire ? Quelques délégués ont déjà quitté Berlin. La question du Congo est réglée, ouf ! La France a-t-elle retiré quelque avantage de ces longs mois de négociations non interrompues ? Ah bah oui, le sujet est d'importance. Il est question de territoires concédés, d'autres récupérés, de compensation, du tracé de nouvelles frontières. En réalité, plus qu'africaines, les préoccupations demeurent européenne. Monsieur de Bismarck voudrait que la guerre ne puisse jamais être portée sur le grand fleuve africain, le Congo, quand bien même les puissances qui détiennent ses rives seraient en état d'hostilité ouverte en Europe et dans le monde entier. Oh là là, les grandes guerres du présent en Europe sont abordées, oui, mais des malheurs des populations africaines pour les temps futurs, ça, il n'en est pas question. Toute la semaine, le cours de l'histoire sur France Culture s'est intéressé au mythe fondateur de l'histoire des États-Unis. Évidemment, dans l'actualité de l'élection présidentielle, avec le Far West, avec la guerre de sécession, des émissions à écouter, à podcaster en ligne sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr et sur l'application Radio France. Aujourd'hui, il y a 60 ans, oui, le temps des indépendances. L'anniversaire des indépendances, c'est aujourd'hui, mais pour comprendre cette histoire, il est nécessaire de revenir à l'avant-colonisation, à cette année 1885, au moment de la conférence de Berlin, quand l'Europe se partage l'Afrique. Avec vous, Isabelle Surin, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Vous êtes professeur à l'Université de Lille, spécialiste d'histoire de l'Afrique subsaharienne et de la colonisation, et vous êtes l'autrice de « Dévoiler l'Afrique, lieu et pratique de l'exploration, Afrique occidentale 1780-1880 », paru aux éditions de la Sorbonne. Et avec nous également, Valérie Hanin, bonjour. Bonjour Xavier. Valérie, vous êtes directrice de la rédaction du magazine L'Histoire. L'Histoire qui consacre un dossier sur le partage de l'Afrique. Le choix est intéressant au moment de fêter le 60e anniversaire des indépendances, de regarder qu'est-ce qui a conduit à la colonisation et aux indépendances. Ce regard sur la fin du 19e siècle est très pertinent aujourd'hui. Eh bien oui, nous avons décidé de consacrer ce dossier à la conférence de Berlin qui s'est donc tenue à l'initiative du chancelier Bismarck en 1885 et qu'on a voulu associer notamment depuis l'historien Wesseling à ce grand partage de l'Afrique qui a eu lieu à la fin du 19e siècle. C'était ce qu'on a appelé la course au clocher qui a consisté à l'appropriation de tout un continent en un peu plus de 20 ans, en une bonne vingtaine d'années. Or, ce que les historiens savent aujourd'hui et ce dont nous allons parler c'est un mythe, c'est-à-dire que ça n'est pas la conférence. Cette conférence n'a pas été un partage du gâteau, comme le montre une caricature de l'illustration dans ce même mois de janvier 1885, où l'on voit Bismarck, très gourmand, en train de partager le gros gâteau africain en présence des grandes puissances européennes. Ça ne s'est pas passé comme ça. Vincent Iribarren, qui a fait l'article socle de notre dossier, et qui est chercheur spécialiste de l'Afrique, bien sûr, Azur et chercheur au King's College, nous explique, nous rappelle ce que l'on sait bien aujourd'hui, et que c'est que la conférence avait avant tout l'objectif, pour le chancelier Bismarck, d'assurer la liberté du commerce, la liberté de la navigation sur les grands fleuves africains, le Niger, le Congo, hein, qui faisaient entrevoir à cette date leurs immenses richesses. On avait aussi des objectifs humanitaires, supprimer la traite, supprimer l'esclavage, tout ce qui apportait la civilisation. Il n'était absolument pas question d'appropriation de territoire, et certainement pas dans tout cet immense bassin du Congo. Or, c'est pourtant ce qui s'est passé dans les années suivantes. Et c'est ça que nous avons voulu interroger aussi. Comment s'est fait ce terrible engrenage? Quels ont été les acteurs et leurs jeux qui ont amené à cette appropriation de tout un territoire? Eh bien, c'est qu'à ce moment-là, évidemment, on craint pour la guerre. Il y a de très grandes rivalités entre puissances européennes. Les puissances s'observent les unes les autres. Ce jeu est absolument pervers. Et il y a évidemment l'intérêt aussi des grandes compagnies privées, hein, qui sont poursuivies par de vrais intérêts. Et puis il y a l'irruption, on va sans doute en reparler, d'un personnage totalement inattendu, et qui est le roi des Belges, Léopold II. Et c'est lui qui va se faire attribuer. C'est la seule concession territoriale de la conférence de Berlin, mais elle est absolument décisive. Il se fait attribuer la souveraineté pour ce qui va être un véritable État privé qu'il va avoir pendant 23 ans, hein, cet État indépendant du Congo, dont les frontières sont à peu près celles de la RDC, la République démocratique du Congo, le Congo-Kinshasa, aujourd'hui l'ex-Congo belge. Il y a toute une histoire qui se raconte avec un moment. Ce moment, c'est celui de la conférence de Berlin en 1885, avec des personnages, Léopold II des Belges, Stanley, Brazzaville, l'exploration des lieux en Afrique, le Congo, des fleuves. Pourtant, Isabelle Surin, cette histoire-là peut se raconter d'une autre manière, sur une durée plus longue, sur la connaissance des Européens, la connaissance que les Européens peuvent avoir sur l'Afrique. En 1885, que sait-on de l'Afrique? Vous savez, il y a toujours ce fantasme du blanc laissé sur les cartes dans des périodes anciennes. La situation est plus complexe. Que sait-on sur l'Afrique? Alors, ça dépend sur quelle région d'Afrique. Et il est vrai que les Européens ont constaté vers la fin du XVIIIe siècle qu'ils ignoraient presque tout de l'intérieur du continent. Et c'est le moment où ils ont commencé, à la fin du XVIIIe siècle seulement, à lancer de grandes expéditions. Grandes par les dimensions géographiques, mais pas tellement par le nombre d'hommes envoyés. On a des sociétés de géographie qui se créent, celle de Paris en 1821. Celle de Londres en 1830, et avant cela l'African Association, qui est fondée à Londres en 1788, et qui commence donc à envoyer des individus en petits groupes, 1, 2, 3 maximum, et c'est d'abord en fait l'Afrique occidentale qui les intéresse, le mythe de Tombouctou par exemple, atteindre Tombouctou et revenir, c'est un objectif, savoir dans quel sens coule le Niger, les cartes européennes à cette époque-là sont pas du tout claires sur la question, d'autant que le XVIIIe siècle a été aussi un moment où on a vidé les cartes de leur contenu. Hein. Auparavant, on a en tête ces cartes du XVIIe siècle remplies de palmiers, de bêtes sauvages ou de montagnes dessinées qui remplissaient vraiment tout l'intérieur du continent, bien qu'en fait, ça ne corresponde pas à un savoir réel. Des Européens, plutôt un savoir par oui dire. Donc désormais, ce qui change, c'est que les Européens décident en fait de remplir la carte de l'Afrique avec des savoirs dont ils seraient eux-mêmes les auteurs. C'est-à-dire de ne représenter que les espaces vus par des yeux européens. Le savoir par oui dire est disqualifié. Et c'est ce qui explique la lancée de ces expéditions d'exploration. Alors il y a plusieurs temps, l'Afrique occidentale en premier, dans toute la première moitié du 19e siècle, puis c'est la course au Nil à partir des années 1860, puis ça va être le centre de l'Afrique, le Congo, et vous évoquez Stanley tout à l'heure. Alors effectivement, l'interaction qu'il peut y avoir entre connaissances géographiques et envie d'appropriation économique ou plus tard politique, effectivement, Stanley est un déclencheur là-dedans, par son expédition qui révèle l'ampleur du cours du Congo navigable et la possibilité de traverser l'Afrique centrale de part en part. Ça, c'est un déclencheur, effectivement. Mais dans un premier temps, l'exploration de l'Afrique n'a pas été conçue dans un but de préparer une appropriation des territoires, pas du tout. Isabelle Surin, je vous propose d'écouter la manière de raconter une des explorations avec un nom que nous connaissons bien, Brazza, Brazzaville, cette ville du Congo. Eh bien, Brazza lui-même est porteur d'un récit sans cesse répété. Je vous propose une archive d'avril 1981 sur la chaîne France 3. Oui, sur France 3, Brazza était raconté. Brazza est parti de Libreville, un comptoir baptisé ainsi pour marquer la fin de l'esclavage en 1884. Les cartes d'Afrique à l'époque portent encore la mention « terres inconnues ». Brazza en a rêvé toute sa jeunesse. Il remonte l'Ogoué, le seul fleuve connu de cette partie de l'Afrique. Mais la réalité n'est pas toujours aussi belle que les rêves. Il y a les rapides, la chaleur et fièvre. Puis il décide de quitter l'Ogoué pour chercher un autre fleuve qui doit bien exister plus loin, toujours plus loin, dans la forêt. Sur son passage, Brazza s'attaque à l'esclavage. Tous ceux qui toucheront le drapeau français, dit-il, seront libres. Le roi Makoko, qui règne sur les bords du grand fleuve Congo, lui envoie des messages de bienvenue et signe avec lui un traité de protectorat. Brazza garantira la paix et la sécurité du royaume de Makoko, continuellement menacé. Moyennant quoi, il peut choisir un emplacement sur cet immense fleuve Congo qui borde le royaume. Isabelle Surin, dans cette archive de 1981, nous avons un récit, l'expédition de Brazza, Brazza qui découvre des territoires. Vous êtes l'auteur dans le magazine L'Histoire, qui consacre un dossier au partage de l'Afrique en 1885, d'un article intitulé « Frontières » avec un S, de la carte au terrain. Est-ce que la lecture qui dirait que les Européens maîtrisent globalement le littoral de l'Afrique, qui accoste dans des ports et qui parfois remonte un petit peu les fleuves, ignore complètement le centre de l'Afrique et sont avides des lectures de Brazza, de Stanley, qui décrivent un monde qu'ils ne connaissent pas encore? Oui, en effet, il y a toute une culture populaire de l'exploration qui se diffuse avec des journaux géographiques ou journaux des voyages qui se diffusent en France, par exemple, mais en Angleterre aussi, notamment dans la deuxième moitié du 19e siècle. Mais voilà, il y a l'imaginaire et puis il y a la réalité des contacts qui sont anciens sur les côtes et qui ont conduit à installer des comptoirs qui, pour certains, remontent au XVIIe siècle ou avant. Et effectivement, la présence européenne, au moment où se réunit la conférence de Berlin, cette présence européenne, elle est encore très discontinue et elle concerne surtout les côtes. Alors oui, quelques fleuves ont été remontés et des comptoirs y sont également installés, mais on est encore dans une période, on va dire, libre-échangiste ou d'empire informel, où le projet, c'est vraiment de commercer, éventuellement au besoin d'ouvrir les territoires plus loin dans l'intérieur de l'Afrique au commerce européen. Mais dans cette période-là, les Européens sont encore assez dépendants des populations côtières qui jouent un rôle d'intermédiaire commercial incontournable. Et c'est le cas des Bateke que Brazza a rencontré en la personne de leur Makoko, leur roi. Hein, donc il y a là une volonté de s'immiscer pour les Européens dans un commerce qui est encore contrôlé par des intermédiaires africains. Voilà, les intermédiaires africains d'ailleurs sont mis à l'honneur dans le dossier de l'Histoire, notamment avec un article sur la ruse du Makoko. Valérie Hanin, ce regard portée de l'Afrique sur les Européens qui arrivent et des Européens sur l'Afrique en train d'être visités est un jeu en fait à reconstruire ou à déconstruire, dans le sens où bien souvent la lecture qui a été faite de cette histoire venait de l'Europe. Absolument, ça c'était très important pour nous, et l'article de Jean-Pierre Batte, notamment sur la ruse du Makoko, le dit bien. Contrairement à la propagande coloniale qui nous présentait des acteurs africains naïfs, des dirigeants qui seraient laissés faire sans jamais réagir, eh bien aujourd'hui les historiens ont tendance à insister beaucoup sur ce qu'on appelle d'un mot anglais l'agency, c'est-à-dire la capacité d'action, la capacité de réaction de certains acteurs. Bien sûr, les forces étaient inégales, bien sûr, le jeu était à certains égards pipé d'avance. Mais enfin, ces Africains, et notamment alors le Makoko, qui est le souverain d'un puissant royaume, Isabelle Surin le rappelait, a joué un rôle. Il s'est même appuyé un temps, et il a cru pouvoir s'appuyer sur ses bonnes relations avec Brazza, justement, pour négocier avec lui, pour négocier une cession de territoire et pour assurer en quelque sorte son autorité sur les chefs locaux. Alors, ça n'a pas marché, puisque quelques années plus tard, évidemment, les territoires ont changé de main, on le sait, et qu'il y a eu la création du Congo français. Mais enfin, on voit à l'œuvre des personnages qui ont une réelle capacité d'action et de manœuvre. Et du reste, même pendant la colonisation, Jean-Pierre Batte le rappelle, un personnage tout à fait étonnant qui est la femme, la veuve du coup du Makoko, hein, qui s'appelle Ngali Fourou et qui sera la détentrice du pouvoir jusqu'en 1956, jusqu'à sa mort, qui sera la véritable interlocutrice du pouvoir colonial. Ce sont évidemment des choses que la propagande coloniale ne présentait absolument pas de cette façon, et je crois qu'il est important évidemment d'essayer de nuancer l'approche. Oui, voilà, une approche à nuancer autour de cette conférence de Berlin, notamment en 1885, qui aujourd'hui est une date importante. D'ailleurs, l'histoire consacre un numéro à cette conférence. C'est un jalon de cette histoire coloniale. Isabelle Surin, que représente dans la réalité cette conférence de Berlin? Est-ce réellement un partage de l'Afrique qui s'opère en Allemagne, donc à Berlin, en 1885? Alors là, je crois qu'il faut rappeler que pas du tout, c'est un mythe, comme exactement l'a dit tout à l'heure Valérie Hanin. On a trop souvent tendance à assimiler partage de l'Afrique et conférence de Berlin, comme si le partage avait pu se faire en un jour, ou enfin en quelques mois, le temps de cette conférence. En réalité, aucun tracé frontalier n'a été déterminé à Berlin, à l'exception du bassin conventionnel du Congo, Léopold souhaitait attribuer à son État indépendant du Congo en gestation, mais on reviendra peut-être sur cette histoire plus en détail. Pour le reste, aucune frontière n'a été tracée à Berlin. Les frontières, c'est un processus beaucoup plus long qui s'étend sur plusieurs décennies, et encore jusqu'aux années 20, parfois même aux années 30 du XXe siècle, des conventions sont ajustées. Les frontières s'ajustent au terrain progressivement, et certes, elles commencent leur vie sur les tables de négociation des diplomates qui interagissent donc entre Européens intéressés par des portions de l'Afrique et qui vont établir des conventions franco-portugaises, franco-britanniques, etc. Mais ensuite, on va voir sur le terrain, un terrain où souvent on n'est pas allé réellement auparavant, qu'on a moyennement reconnu, on va dire, pour faire passer ces frontières du papier, en quelque sorte, au terrain. Et ça, c'est un processus qui prend des décennies. Oui, avec un écart sidérant, évidemment, entre ce qui se passe à Berlin, entre des gens bien mis, des diplomates, et puis la réalité du terrain. C'est ce qui vous intéresse, hein, Isabelle Surin. Je vous propose que nous nous plongions dans cette ambiance de la conférence de Berlin, au tout début de la conférence. Donc là, nous sommes au mois de novembre 1884, avec l'extrait d'un documentaire de la chaîne Arte, qui date de 2010, qui s'intéressait à la conférence de Berlin. Un rapport écrit par Geoffroy Chaudron de Courcelles, diplomate, cousin de Bernadette Chirac, née Chaudron de Courcelles, qui écrit un rapport sur le début de la conférence de Berlin. Jules Ferry, président du Conseil, etc. etc. Après des déclarations empreinte de ce libéralisme humanitaire si cher à la nation anglaise et qui voile à ses propres yeux l'ampleur de ses ambitions. Monsieur Mallette s'est dit autorisé d'étendre à tous les fleuves d'Afrique le régime de libre circulation. Sur le Niger, l'attitude anglaise témoigne d'un exclusivisme et d'une âpreté qu'aucune précaution de langage ne tempère. Il faut donc s'attendre à d'assez vives discussions et la conférence devra se résigner à faire d'assez notables concessions face aux protestations de l'Angleterre. Signé Baron de Courcelles. Le baron de Courcelles, Chaudron de Courcelles, ambassadeur de France à Berlin, qui lui s'inquiète particulièrement de l'avancée des Britanniques en Afrique. Isabelle Surin, toute la réflexion que nous pouvons porter sur l'Afrique dans ces années 1880 reflète en réalité ce qui se passe en Europe. On va retrouver les mêmes rivalités et le terrain africain, en fait, est juste en écho à ce qui se passe en Europe en général, et là, à Berlin, parmi les diplomates en particulier. C'est un jeu diplomatique, géopolitique de grande ampleur, et on a vu pas seulement à Berlin, mais après Berlin aussi des échanges de territoires qui pouvaient porter dans une même convention franco-britannique, par exemple, sur des territoires dans le monde entier, hein, des sortes de compensations qui sont données des uns aux autres. Mais alors, pour comprendre ce jeu géopolitique, moi j'aime bien utiliser le concept de René Girard qui parle de rivalité. Rivalité mimétique, vous savez, la rivalité mimétique, c'est celle qui conduit un individu à désirer ce que désire son rival, non pas parce qu'il le désire vraiment, mais parce que il faut l'obtenir aux dépens du rival. C'est un peu ce qui se passe dans cette course aux colonies, cette ruée qui commence au tout début des années 1880, mais qui va être amplifiée après la conférence de Berlin. C'est vraiment l'idée d'obtenir des territoires, non pas parce qu'ils sont particulièrement intéressants, au fond on connaît très peu leurs ressources réelles, hein, il faut le dire, mais parce que l'autre les désire. Donc là, la question du Niger qui est soulevée dans l'extrait que vous donniez à entendre du documentaire d'Arte, où Chaudron de Courcelles effectivement évoque les ambitions britanniques sur le Niger, qui contreviennent à celles de la France, c'est tout à fait ça. Alors qu'est-ce que ça représente, le Niger? Bon, une voie de pénétration, comme la plupart des fleuves, mais aussi un lieu à partir duquel on commerce. Et ce qui intéresse les Européens à ce moment-là, c'est plutôt les débouchés commerciaux, aller vendre leurs produits, plutôt que les ressources supposées de l'intérieur du continent, qui sont mal connues en réalité. Mais c'est vraiment ce jeu de rivalité qui commande cette accélération brutale, après aussi la conférence de Berlin, des emprises et des conquêtes finalement. Isabelle Surin, et puis à tout cela s'ajoute une autre forme d'emprise qui passe par la science. Les cartes vous intéressent, et évidemment c'est essentiel dans cette question-là. La réflexion sur l'exploration passe par la carte. Et tout est lié à aussi une réflexion scientifique sur comment dessiner le monde, comment écrire le monde. Pas pour se l'approprier, hein, mais ça va de pair. Ah oui, alors les cartes peuvent être le support d'un certain nombre de projections. Alors elles sont considérées, par les géographes qui se professionnalisent à l'époque comme une description scientifique du monde. Mais attention, la carte c'est aussi un objet qui peut, c'est une représentation du monde qui, à ce titre, est une image qu'on peut utiliser pour lui faire dire beaucoup de choses, et notamment des appropriations territoriales qui ne sont pas réelles. Moi, je suis toujours frappée par ces cartes des empires britanniques ou français, qui sont faites d'immenses aplats en rose pour la France, en rouge pour l'Empire britannique, comme si tous ces territoires avaient été réellement appropriés. En réalité, quand on y va voir de plus près sur le terrain, bien souvent, la présence européenne ou française y est très limitée. Et on peut dire aussi, là c'est tout l'héritage l'héritage d'une réflexion postcoloniale sur les cartes, que la carte est une forme d'appropriation symbolique. Hein, c'est-à-dire, évidemment, tracer un trait sur une carte et dire ça, c'est la frontière entre nos zones d'influence respectives, français, britannique ou portugais, français, c'est un geste très fort d'appropriation symbolique. Hein. Mais il faut pas s'y tromper et pas être dupe de ce que disent les cartes qui sont aussi un objet de propagande. Les cartes sont un objet de propagande, Isabelle Surin. La géographie sert à coloniser aussi, au sens où les fleuves ont une importance particulière dans cette lecture de l'Afrique faite par les Européens, notamment lors de la conférence de Berlin en 1885, comme délimitation de territoire. Et le fleuve est très pratique pour délimiter ces territoires. Encore faut-il connaître son cours, ce qui explique aussi l'envoi d'expéditions, de missions de reconnaissance, et puis le travail des géographes pour tracer ces traits bleus sur des cartes. Oui, en effet. Alors bon, du coup, les frontières imaginées étaient quelquefois très hypothétiques. Aussi tard que 1894, donc 10 ans après la conférence de Berlin, on a par exemple un protocole franco-allemand qui délimite, enfin qui établit une frontière entre Congo français et Cameroun allemand, et où on peut lire. Dans le cas où la rivière Ngoko ne couperait pas le deuxième parallèle, la frontière suivrait le Ngoko sur une longueur de 35 km. Ce qui montre bien que les concepteurs de ces frontières imaginées à partir de cartes cherchaient certes à s'appuyer sur les traits hydrographiques du continent, les fleuves qui étaient représentés sur les cartes qu'ils avaient sous la main, mais ils étaient conscients du caractère inachevé, hypothétique de ces cartes et au fond, ils savaient pas très bien où allait la rivière Ngoko et si elle coupait ou pas le deuxième parallèle. C'est significatif de toute une démarche finalement qui s'inscrivait dans le temps plus long et où il fallait aller voir sur le terrain si oui ou non la rivière Ngoko coupait le deuxième parallèle pour savoir où réellement allait passer cette frontière. Les fleuves donc pouvaient servir de point d'appui ou de à des tracés de cartes, mais aussi il y a toute une réflexion sur les fleuves ou sur les bassins fluviaux. En fait, si vous voulez, le scramble, la ruée vers l'Afrique, conduit aussi à simplifier en quelque sorte la carte des emprises européennes. Et on passe de ce moment où les Européens étaient présents à plusieurs sur la même rivière, où ils avaient tous un petit comptoir à quelques kilomètres les uns des autres, à une conception des emprises qui doivent être des espaces territoriaux continus et où il s'agit que désormais tel fleuve n'appartienne plus qu'à telle puissance et donc il faut reconfigurer toutes ces appartenances ponctuelles, ces petits comptoirs qui doivent être redistribués autrement et désormais les frontières peuvent être aussi des lignes de partage entre deux fleuves. Mais vous imaginez la complexité de tracer une frontière qui est une ligne de partage entre deux fleuves lorsqu'on ne connaît pas de manière certaine les tracés même des fleuves. Oui, et le contraste est très présent d'ailleurs entre cette difficulté de tracer ces frontières telles que les Européens peuvent les imaginer et telles que vous nous le racontez, Isabelle Surin, et puis la certitude affichée notamment lors de la conférence de Berlin, lors de l'acte général de la conférence, la conclusion de cette conférence. Écoutez cet extrait lu par Marion Dupont. Toutes les puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans les dits territoires s'engagent à veiller à la conservation des populations indigènes et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles d'existence et à concourir à la suppression de l'esclavage et surtout la traite des Noirs. Elles protégeront et favoriseront, sans distinction de nationalité ni de culte, toutes les institutions et entreprises religieuses, scientifiques ou charitables créées et organisées à ces fins, ou tendant à instruire les indigènes et à leur faire comprendre et apprécier les avantages de la civilisation. La liberté de conscience et la tolérance religieuse sont expressément garanties aux indigènes comme aux nationaux et aux étrangers. l'acte général de la conférence de Berlin en 1885, celle qui a souvent été résumée comme étant le partage de l'Afrique. Valérie Hanin, à l'écoute de ces décisions générales, nous sommes loin des frontières qui occupent une grande place dans cette conférence de Berlin, mais il y a surtout une volonté globalisante de saisir l'ensemble de l'Afrique. Nous le voyons bien du point de vue religieux, de la société, de l'économie, et évidemment des territoires. De l'économie surtout, parce que oui, comme nous le disions, finalement, il n'est pas tellement question de frontières à Berlin. On parle un peu de l'appropriation des échanges de territoires sur les côtes, sur les comptoirs, car comme le rappelait Isabelle Surin, il est d'abord question de commerce. L'objectif de Bismarck, c'est vraiment d'assurer le commerce, la liberté du commerce, la paix, puisqu'on sent bien qu'il y a une montée des rivalités, qu'il y a ce scramble for Africa, cette ruée vers l'Afrique, mais qui est souvent à cette date-là encore le fait d'initiatives individuelles, d'explorateurs ou de marchands, et qu'il faut assurer la paix du commerce parce qu'on craint l'escalade, et que l'on craint les échauffourées, et que l'on craint peut-être la guerre. Mais au fond, on ne s'approprie pas les territoires, il n'est pas question de frontières à Berlin, il n'est pas question de tracer les frontières, c'est sur le terrain et par la suite que vont se faire les négociations. Et Isabelle Turin raconte bien tout ce travail de terrain qui est parfois le fait de commissions bipartites et qui font, elle le fait même dans notre numéro à l'aide de cartes très précises, et on voit bien ce travail de terrain, mais qui s'est fait au fond dans un engrenage. J'aimais bien ce que vous disiez tout à l'heure, Isabelle, des rivalités mimétiques, et dans un engrenage, puisque à un moment donné on est entré dans l'Interland, on est entré dans cet immense bassin du Congo, il y a eu ce fait quand même criminel, on peut dire, d'appropriation par le roi des Belges, qui a été le premier tout de même à s'approprier pour son compte privé. Il en est devenu richissime, les richesses d'ivoire et de caoutchouc, bien sûr, de cet immense bassin du Congo. Et ça a été évidemment, ça a été le point de départ d'une appropriation générale. Mais c'est le seul territoire qui ait été concédé. Et encore, il a été concédé sous couvert de la liberté de commerce à Berlin en 1885. Au fond, c'est dans les années qui suivent, par tout ce travail, par tout ce jeu de rivalité, par ce jeu de la logique aussi du commerce, qui finalement, les grandes compagnies commerciales, veulent bien jurer de la liberté du commerce, mais sont très contentes de s'approprier des monopoles. Donc tout ça va jouer un rôle, et bien entendu, dans un contexte européen, vous le rappeliez, Xavier, extrêmement tendu, de rivalité nationale, on s'observe les uns les autres, Chaudron de Courcelles craint les Britanniques, qui sont en train de s'installer, de prendre pied en Égypte, les Britanniques craignent les Français et les autres, et finalement, on s'observe, on pénètre plus avant dans le territoire, jusqu'à ce que Conrad appellera le cœur des ténèbres. C'est-à-dire que, là, évidemment, les pires exactions coloniales pourront avoir lieu, commencer par le Congo, évidemment. À commencer par le Congo, et puis avec toujours ce regard européen, avec la voix des peuples africains colonisés laissés de côté. Ben écoutez, dans le cours de l'histoire, nous allons écouter Colonial Mentality, cette mentalité coloniale chantée par Fela Kuti. Lui, il est du Nigeria. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Colo mentality. I say you fit in, never release yourself. Colo mentality. If you say you be colonial man, you don't be slave man before. They don't release you now, but you never release yourself. If so, them they do, them they overdo all the things that them they do. If so, them they do, them they do, them they overdo all the things that them they do. If so, them they do, them they think it's that they better pass them, brother. No, if so, them they do, them they think it's that they better pass them, brother. No, if so, if destiny with black no good. Now foreign things, them they like it for be so. Destiny with black no good. Now foreign things, them they like it not be so. Them go turn your condition and close them country away no be so. Them go turn your condition and close them country away no be so. Them judge him go cocky weak and jail him brother away no be so. Them judge him go put him weak and jail him brother away no be so. Them go proud of them name and put them slave name for heading no be so. Them go proud of them name and put them slave name for heading no be so. Colon mentality now make you hear me now. It's a ransom you make you hear. It's a Williams you make you hear. It's a Aliyah you make you hear. It's a Mohammed you make you hear. It's a Anglican you make you hear. It's a Bishop you make you hear. It's a Catholic you make you hear. It's a Muslim you make you hear. The Africa we never make you hear. The Africa we never make you hear. Colour mentality. Colour mentality. It's a ransom we make you hear. It's a ransom we make you hear. The Africa we never make you hear. The Africa we never make you hear. Colour mentality. Colour mentality. Lacouti, Colonial Mentality dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Eric Lancien avec aujourd'hui à la technique Stéphane Poitevin. Dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons à la conférence de Berlin en 1885, le partage de l'Afrique. Mais vous nous dites bien, Isabelle Surin, que non, ce n'est pas vraiment un partage de l'Afrique, cette conférence de Berlin. Cette conférence de Berlin a-t-elle des effets sur le terrain au-delà du Congo? Cette histoire du Congo, ce n'est pas encore le Congo belge, cet immense territoire donné en propriété personnelle au roi Léopold II, roi des Belges, synthétise en fait la conclusion de Berlin. C'est quelque chose d'aujourd'hui presque inimaginable de se dire cet immense territoire donné à un seul homme. Alors, au-delà du Congo, vous posez la question. En fait, ce qu'il faut retenir, ce sont les derniers articles de l'acte général de Berlin, l'article 34 et l'article 35, ceux qui instaurent une doctrine d'occupation effective. Et qui viennent en fait contredire le début de cet acte, le premier volet qui était plutôt libre-échangiste et où il s'agissait pas de frontières ou d'appropriation territoriale. Tout d'un coup, là, on voit dans les articles 34 et 35 qu'il est question d'appropriation future, de prise de possession de territoire. Alors, seulement sur les côtes du continent ? L'acte ne mentionne que des appropriations sur les côtes du continent, alors qu'elles sont déjà en réalité assez appropriées, on va dire, par les Européens. Mais en fait, c'est une manière de fixer des règles du jeu pour des appropriations futures, même au-delà des côtes. Et la doctrine de l'occupation effective, l'obligation d'assurer, on voit dans l'article 35, une autorité suffisante, va conduire en fait les Européens à mettre en œuvre des occupations avec pas seulement le drapeau, mais aussi des troupes, des postes fortifiés, des postes avec des militaires sur place pour pouvoir authentifier en quelque sorte les appropriations. Autrement dit, la conférence de Berlin n'a pas partagé l'Afrique, mais elle a lancé un coup d'accélérateur à cette dynamique d'appropriation qui jusque-là était encore assez limitée. Et là-dedans viennent jouer un rôle aussi important les traités, pas seulement les traités entre Européens, mais les traités passés avec les chefs africains. Et c'est là qu'on voit surgir la présence des acteurs africains qui est vraiment déterminante. Alors on a souvent caricaturé ces traités en disant que c'était des bouts de chiffon, des bouts de papier sans valeur juridique, que les chefs africains avaient été un peu contraints d'y inscrire leur signe, leur croix, sans vraiment comprendre de quoi il s'agissait. Les rapports de missions d'explorateurs ou de militaires nous disent pourtant que dans bien des cas, c'est à l'issue de palabres bien longues, de plusieurs jours parfois, réunissant tout un conseil des anciens, que ces traités sont signés. Et il faut comprendre comment ils permettent finalement un basculement de la souveraineté en jouant sur des ambiguïtés entre des conceptions différentes de la souveraineté que pouvaient avoir les Européens et les Africains. Et donc ça, c'est vraiment aussi un pan de l'histoire qui est en cours de réécriture par les historiens, parce que si on regarde de près ces traités, on s'aperçoit qu'ils ont un intérêt en eux-mêmes et qu'il faut repérer les conditions précises dans lesquelles ils ont été signés. Que finalement, parfois, ce sont aussi les chefs africains qui instrumentalisent des représentants de puissances européennes en prétendant avoir un territoire qui s'étend plus loin que ce n'est le cas en réalité, pour pouvoir l'inclure par le biais d'un traité dans leur territoire, ou bien qui vont eux-mêmes solliciter des Européens parce qu'ils sont en butte à un voisin ou à un rival, soit interne, soit externe, qui les menace, et qu'ils vont donc chercher une alliance avec tel ou tel Européen. Donc le jeu, si vous voulez, ne se limite pas du tout à des rivalités entre Européens. Il faut vraiment s'intéresser à la place des acteurs africains dans tout ce processus. Oui, ça, l'historiographie montre cette évolution du regard. Les Africains ne sont pas exclus de ce jeu. Je reprends votre mot, Isabelle Surin. Ils sont partie prenante de cette histoire. Alors, bien sûr, la force des colons est là, des colons et encore. Nous sommes à ce début de mise en place de systèmes qui doivent être inventés. Et c'est en cela que le cas de cette propriété privée du roi des Belges Léopold II est intéressant. Il y a des expériences, en fait, qui sont faites sur ce qu'on appelle, ce que l'on constate être une appropriation des territoires. Alors oui, il faut distinguer appropriation des territoires et appropriation des terres. Et dans le cas du Congo de Léopold, il y a un petit peu confusion entre les deux. Par le biais de la transformation des terres de l'intérieur du Congo, soit en domaine du roi, domaine de l'État indépendant du Congo, qui est une fiction d'État indépendant, hein, ou par le biais des compagnies concessionnaires, hein, ne pouvant pas faire face à la lourdeur des investissements que supposait l'appropriation de cet immense territoire, Léopold a alloué à des compagnies, contre argent évidemment, hein, des pans entiers de ces territoires, sous la forme d'une charte, une concession accordée à une compagnie. Alors ça allait assez loin, parce que ces concessions, c'était un droit d'exploiter les richesses, les ressources, mais donc aussi d'utiliser la main-d'œuvre qui était indispensable à cette exploitation, au besoin par des moyens coercitifs. Et puis, c'était une forme de souveraineté déléguée qui était attribuée à ces compagnies. Autrement dit, une compagnie privée pouvait se voir reconnaître des droits dérivés d'une souveraineté, et à charge pour elle d'aménager le territoire et d'assurer la protection des indigènes, comme le recommandait l'acte de Berlin. Ces compagnies, en fait, personne n'allait surveiller sur le terrain ce qu'elles y faisaient réellement, hein, d'où les abus considérables qui ont été constatés par les missionnaires qui ont fait remonter ces scandales, et puis les commissions d'enquête qui ont constaté aussi sur place au Congo belge, mais aussi au Congo français, hein, des abus liés au même système. Les compagnies concessionnaires étaient un système propice à toutes sortes d'abus qu'on va pas rencontrer de la même façon dans d'autres régions d'Afrique. Voilà, Isabelle Surin, vous avez bien raison de souligner qu'il y a eu des commissions d'enquête face aux abus qui étaient rapportés, notamment par les missionnaires. Et puis, dans le cas du roi des Belges Léopold II, il y a une grande attention sur ce qui se passe, au point d'ailleurs que le roi est obligé d'abandonner sa propriété privée pour donner ce Congo qui devient le Congo belge, il le donne à l'État belge. Je vous propose la lecture d'un extrait des Carnets du Roi. C'est une satire écrite par Paul Gérardi, un Belge, en 1903. Une satire contre Léopold II, qui est lu par Daniel Koenigsberg. C'est le coup de la colonie qui surtout fit ma fortune. Et ici, au moins, je te dis qu'il faut m'admirer. Où je m'enrichissais, où je gagnais des fortunes, le peuple a vu, a dû faire semblant de voir, une entreprise humanitaire et de civilisation. Je suis, pour tous, un grand civilisateur de nègres, moi qui en fis périr de tous les morts, plus que n'en extermine les négriers les plus féroces et les conquérants les plus sanguinaires. Moi qui réussis à faire refleurir l'esclavage le plus absolu, un esclavage moderne, renforcé et raffiné dans l'immense centre de l'Afrique, je passe pour le pacificateur et le libérateur. Je suis l'Africain, je suis le bienfaiteur de la race noire, moi le trafiquant, sans scrupule, d'ivoire et de caoutchouc, le grand chef de tous les manieurs de chicotte. La chicotte, ces coups de bâton au Congo dans les Carnets du roi de Paul Gérardi, une satire contre le roi Léopold II, donc une satire du début du XXe siècle, lue par Daniel Koenigsberg. Dites-nous, Valérie Hanin, alors pour l'histoire de l'Afrique, effectivement, certains, par le passé, avaient posé la question de l'Afrique et de son histoire. Vous consacrez un grand dossier sur le partage de l'Afrique. Nous, aujourd'hui, une émission dans le cours de l'histoire. L'histoire de l'Afrique est conséquente. Et elle fait polémique. En tant que directrice de la rédaction du magazine L'Histoire, vous allez avoir des retours parce que dès que nous traitons de ce sujet, le roi des Belges, Léopold II, qui a été accusé, effectivement, il a dû céder son territoire d'avoir participé, en tout cas par un soutien au massacre de population, il y a un retour comme un négationnisme de ce qui s'est passé là. C'est aussi un élément qui montre la vivacité de cette histoire et surtout son utilité. Oui, vous avez raison, c'est une histoire extrêmement sensible et qui est trop souvent prise de manière polémique des deux côtés. Ce qu'on essaie de faire avec l'aide active des historiens qui vraiment font ce travail patient, qui n'est pas du tout un travail militant, certainement pas pour défendre la colonisation, mais certainement pas non plus pour écrire simplement des actes d'accusation. Il s'agit de comprendre justement ces engrenages absolument terribles qui aboutissent à des opérations de domination coloniale qui aboutissent à des exactions, comme dans le cas de ce Congo belge et de ce du Congo français aussi, où il y a eu des exactions contre lesquelles d'ailleurs Brazza s'est élevé. Mais on veut essayer de sortir de ça. Vous avez raison, c'est très très compliqué, car comme le rappelle on le voit bien, on est en plein scandale mémoriel avec les statues déboulonnées. Le roi des Belges, Léopold II, n'est pas le dernier à se faire déboulonner. On le dira qu'il l'a peut-être un peu cherché, mais enfin on est vraiment au cœur de ces enjeux de mémoire, ces mémoires blessés, dont parle aussi dans notre dossier une philosophe à qui nous avons voulu donner la parole, Nadia Yala Kisukidi, qui est philosophe à Paris 8 et qui nous parle de ces mémoires que, nous dit-elle, rien ne peut apaiser, et elle nous dit très joliment que ce sont aujourd'hui les artistes peut-être qui justement cherchent à, comme elle le dit, recoller les morceaux, parce que ça pèse très très lourd, et dans les deux sens, vous le disiez. Mais aujourd'hui en Belgique, les enjeux sont très forts, non seulement pour la mémoire du roi des Belges, mais pour la mémoire de la Belgique coloniale tout entière. Voilà, et d'où la nécessité, Valérie Hanin, de ce dossier du magazine L'Histoire, 1885, conférence de Berlin, le partage de l'Afrique. Merci à vous, Valérie Hanin, merci à vous, Isabelle Surin, que l'on retrouve dans ce numéro de L'Histoire. Et il est l'heure maintenant, dans le cours de l'Histoire, de retrouver Anaïs Quien et son journal de l'Histoire. <musique> Dans le journal de l'histoire, à quelques jours des élections présidentielles américaines, une question, pourquoi ce vote nous intéresse-t-il autant ? Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Quoi qu'on en dise, les présidentielles américaines nous intéressent. On se lasse parfois des sautes d'humeur du candidat en poste sur les réseaux sociaux, on s'indigne de la rupture de ton qu'a imposé le style Trump depuis 4 ans, mais voilà, on attend les résultats du vote du 3 novembre avec fébrilité, notre regard porté de l'autre côté de l'Atlantique, même si cette attention indomptable nous agace parfois. L'historien Ludovic Tournès consacre un livre à ce phénomène de l'américanisation de notre attention et de bien d'autres choses. Du sport au mode en passant par la culture matérielle et les idées politiques. Comment les États-Unis, nés au XVIIIe siècle, ont-ils pris une telle importance à l'échelle de la planète ? Ce rayonnement, c'est avant tout le fruit d'une ambition affichée, avec les moyens de le faire et la volonté de modeler le monde selon le projet américain. Mais Ludovic Tournès, dans son ouvrage « Américanisation, une histoire mondiale », va bien au-delà en envisageant cette posture comme un projet visant à construire une nation aux dimensions de la planète, de grandes ambitions et leur échec actuel. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. L'histoire américaine connaît autant de soubresauts qu'ailleurs, elle n'est pas porteuse d'un modèle historique immuable et prêt à l'usage. Si entre 1917 et la chute du mur de Berlin, les États-Unis ont identifié leur destin national et celui du monde entier en affirmant que la mondialisation de la démocratie constituait leur mission historique, Ludovic Tournès identifie une séquence historique désormais achevée. La démocratisation a déserté la pratique et les discours de politique étrangère états-unienne depuis non pas l'élection de Donald Trump, mais depuis le mandat de Barack Obama, un processus de désengagement des affaires du monde amorcé sous la présidence de Bill Clinton. America. America, I've given you all, and now I'm nothing. America, $2.27, January 17, 1956. I can't stand my own mind. America, when will we end the human war? Go fuck yourself with your atom bomb. I don't feel good, don't bother me. Cette posture solitaire, le désinvestissement au sein des grandes institutions internationales et l'abandon des grands traités ne démontreraient pas l'affaiblissement américain, mais le déclin de la volonté originelle états-unienne d'englober le destin du monde dans le sien propre. Une volonté affirmée dans l'expression de « destinée manifeste » apparue au milieu du XIXe siècle pour nommer une mission d'expansion de son modèle de civilisation à l'échelle du monde. L'abandon de la « destinée manifeste », un processus discret enclenché depuis la fin de la guerre froide, masqué par l'effondrement du modèle soviétique et l'apparente victoire du modèle américain qui structurait le monde depuis 40 ans. On ne s'en était pas aperçu, mais c'est un fait. L'américanisation du monde n'a donc pas eu lieu, aussi parce qu'elle n'a plus la volonté d'être. On retrouve le journal de l'histoire en ligne et en podcast sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. C'était le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Cudès, Odile Jouessel, Valentine Love-Reims, une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou. À réécouter et à podcaster la balado-diffusion sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France. La semaine prochaine, et l'homme créa la nature, de la nature au musée, quand le monde est mis sous étiquette à la nature confisquée pour l'histoire du colonialisme vert, le cours de l'histoire se met au vert.